On vous livre nos livres. Un balado fait par les élèves d'Albert Schweitzer qui encourage la lecture d'albums jeunesse. Cette première série d'émissions a pour titre Le fil. Nos chroniqueurs sont inspirés de l'émission Compte et raconte disponible sur la plateforme Histoire TV de Radio-Canada. Le fil, c'est quoi? Un fil, c'est un lien entre des livres. Épisode numéro 4. Nos chroniqueurs sont Louane, Olivia et Magali. Nous, notre fil, c'est l'amour. Toi, Olivia, c'est quoi le titre de ton livre? Le titre de mon livre, c'est « Des bisous, wesh ». L'auteur est André Poulain et l'illustratrice est Anne-Claire Delisle. Voici un petit résumé de mon livre. Une jeune fille entend son frère dire que les bisous, c'est wesh, alors elle part demander à ses amis les animaux s'ils trouvent que les bisous, c'est dégueulasse, tout en les prenant en photo. Finalement, son frère faisait juste semblant de ne pas aimer les bisous. Moi, mon livre s'intitule « Le cœur et la bouteille ». L'auteur et illustrateur est Oliver Jeffers. En résumé, l'histoire raconte une petite fille qui aimait beaucoup passer du temps avec son grand-père. Un jour, son grand-père décède et pour protéger son cœur, la jeune fille décide de l'enfermer dans une bouteille. Et toi, Louane, c'est quoi le titre de ton livre? Moi, le titre de mon livre, c'est « L'amour, c'est ». C'est l'histoire d'une petite fille qui découvre qu'est-ce que c'est l'amour sous plein de situations avec un petit caneton qui, au fur et à mesure du livre, devient son meilleur ami. Finalement, elle se rend compte que le caneton doit revenir à son habitat naturel, le ruisseau. Toi, Olivia, pourquoi apprécies-tu ce livre? J'apprécie ce livre car j'aime les illustrations. La page couverture est colorée et attrayante. Il y a des images sur toutes les pages et certaines images prennent toute la page. Les illustrations sont très colorées et fantaisistes. J'aime également les personnages. Clara est très attachante. Clara est curieuse, aventurière et joyeuse. Elle a les cheveux noirs et dépeignés. Clara adore prendre des photos. Et toi, Magali, pourquoi as-tu aimé ce livre? Au début, les phrases sont simples. Il y en a une seule par page. L'auteur utilise des points de suspension qui permettent de laisser parler les images. J'ai beaucoup aimé ce livre grâce aux illustrations. L'histoire a une leçon et j'ai aimé ça. Ce livre est vraiment très simple, mais très intéressant pour autant. Et toi, Louane, pourquoi tu as choisi ce livre? J'aime ce livre parce que l'auteur Diane Adams a eu l'intention de nous montrer que l'amour, ce n'est pas toujours parfait. Et l'illustrateur Claire Kean utilise toujours les mêmes couleurs de bleu, jaune, noir et rose et c'est très beau. Voilà qui met fin à notre épisode sur l'amour dans les albums jeunesse. C'était Olivia, Magali et Louane. Merci beaucoup à notre enseignante et à la bibliothèque de l'école Albert Schweitzer qui nous a permis de trouver nos livres. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes.